I'm Pain. Pain. Pain. It's alive! Les psychiatres de ce monde ont été confrontés à un moment ou un autre à l'instabilité mentale chez leurs patients et ont tenté l'application de solutions possibles afin de corriger cette défaillance. Jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir eu de remède miracle qui assure une guérison complète et sans récidive. Donc, si nous pouvons conclure rapidement, la stabilité mentale n'est pas un état invariable et peut se déclarer n'importe quand. Une forme de maladie imprévisible et sournoise avec laquelle tous doivent composer. Étant donné que la stabilité de cet état psychique est versatile, voire fragile, mon diagnostic et ma prescription associés sont ceux-ci. Demeurons tous instables mentalement et peut-être fous alliés et croyons que ce sont tous les autres qui ont un problème plutôt que nous. Ainsi, nous demeurons heureux plus longtemps. Parce que, plus y a de fous, plus on rit. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque ce dernier est probablement le modèle par excellence de l'instabilité mentale. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is my fucking business. We are hot dead, incorporated. Cause Pendragon said so. Go. Years of love, it can no longer be left undone. The We'll be right back. The blindness in my mind. trésor enfoui. C'est fou 89.1. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Génial Liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, maintenant en format plus léger pour l'été, tous les jeudis de 10h à 11h. 1, 2, 3, I'm staring, staring at a heron. Samedi le 9 mai, 21h30, votre café-bar, le Zénob, vous invite à une soirée de musique bluegrass hawaïenne piquante avec Rob Bob, Limoilou Libre et Dame de Lock. Rob Bob, accompagné de son Limoilou Libre Orchestra, vous livre des compositions comiques et imagées inspirées par les musiques country et hawaïennes. Les musiciens sont issus de quartiers populaires de Québec, dont ils portent fièrement le nom et l'esprit de fête. Samedi le 9 mai, ne manquez pas Rob Bob, Limoilou Libre et Dame de Lock au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de mai de réanimation en ce 5 mai de l'heure de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Voilà. On vient d'entendre un bloc d'ouverture d'émission qui était, ma foi, fort sombre par moments. À l'instant, avant cette pause publicitaire, Triptychon et la pièce Black Snow. Excellente pièce que l'on retrouve sur leur dernière parution, deuxième album, sous ce nom, soit Melana Casmata, qui est paru en 2014 sur Century Media. Nous avons auparavant fait un bond en arrière de plusieurs années. En fait, je dirais pratiquement 30 ans, ou 29. Pour retourner en 1986 avec Candlemass et la pièce Demon's Gate, qui est tirée de l'album Epicus Dominus Metallicus, c'était sous les étiquettes Black Dragon, et nous avions débuté également en 86 avec le premier album de King Diamond, en fait, lorsqu'il a lorsqu'il s'est momentanément, pour le moins, séparé de la formation Merciful Fate pour marcher sur son nom unique, King Diamond, tiré du premier album Fatal Portrait, soit The Jonah. C'est paru en 86, comme je l'ai dit, sur Roadrunner. Ce soir, deux présentations pour vous. Une à l'instant, une un peu plus tard, qui s'attardera à la formation polonaise Infernal War, que je devais vous présenter il y a de cela, ma foi, deux émissions. Mais faute de temps, comme les programmations étaient tellement surchargées que, à certains moments donnés, je me rendais compte que l'émission va terminer et puis on n'aura pas eu le temps de la présenter. Mais ce soir, je vais prendre le temps de le faire. Chronique cinéma, chronique musicale aussi. Notez que après cette émission-ci, soit 21h, il ne restera que deux émissions de réanimation pour la période du printemps. La période estivale est en pause complète pour les diffusions des parties de baseball des Aigles. Donc, je ne serai de retour qu'en septembre, théoriquement, s'il n'y a pas de finale associée à ces parties, bien sûr, mais ça, qui peut savoir? Première présentation de la soirée, je vous parle d'une formation que j'ai découvert sur le tard. Oui, sur le tard, parce qu'elle est active, depuis 1989. Une formation qui vient de Suède, qui porte le nom de Unleashed. Unleashed, une formation qui donne dans un death metal qui, à ma foi, est fort intéressant. Ben, en fait, d'après ce que je peux en avoir découvert avec le dernier album Dawn of the Nine, parce que, comme je vous l'ai dit, je viens de la découvrir il y a, en fait, je dirais, à peu près 2 semaines. Bon, c'est signe que même après 35 ans et plus d'écoute de métal, il y a encore des choses à découvrir. Ben, c'est encourageant. Formation qui existe, comme je le disais, depuis 89, qui en est à son 12e album. Dernier album qui est paru le 24 avril dernier, soit Dawn of the Nine, sous étiquette Nuclear Blast. C'est un album qui m'a, je dirais, rapidement intéressé. Que j'ai qualifié de... Bon, en fait, oui, c'est un death metal plutôt traditionnel, conventionnel si on veut, avec une vitesse de croisière relativement constante, quoique il y a quelques écartades par certains moments. Efficace, très bon vocal. J'ai beaucoup aimé le vocal qu'on retrouve dans Unleashed. Ben, en fait, sur cet album, bien sûr, parce que je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé avant. Et en fait, je vais l'explorer. Mais pas un vocal caverneux, si on veut. C'est un vocal qui reste death metal, mais pas guttural à n'en plus finir. C'est audible. Ça va extrêmement bien parce que c'est pas hyper agressif. Généralement parlant, mais comme je disais, on retrouve certains blast beats là, mais c'est pas du Hate Eternal là, par exemple. C'est une bonne production, et puis il y a une certaine forme d'originalité aussi qu'on peut en retirer. Présentation graphique, par contre, c'est relativement moyen. C'est pas mauvais là, j'ai vu bien pire que ça là, mais c'est plus ou moins attirant au niveau du graphisme. Mais quoi qu'il en soit, je vous propose d'aller écouter 3 pièces qui sont tirées de Dawn of the Nine, soit la première pièce qui porte le titre de A New Day Will Rise, la 2e de Came to Die et la 7e When Churches Once Burn, Unleashed. Burn their churches to the ground. We take back all that was given to caractère. C'est fou, 89 ans. En de courts instants, en de courts moments. Mercredi le 6 mai, 21h30, votre café-bar Le Zénob vous invite à une soirée engagée et festive en compagnie de la formation Tintamarre. Pour une soirée gitano-punk avec ce collectif critique de socio-bruitage, ne manquez pas Tintamarre ce mercredi 6 mai, 21h30, au Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les Bonnets Rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est fou, le réseau campus de Trois-Rivières. Fou de fantaisie. C'est fou, 89.1. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je suis avec vous jusqu'à 21h. On vient d'entendre la formation suédoise Unleashed, des trois pièces tirées de leur dernier album Dawn of the Nine, qui est paru le 24 avril dernier sous étiquette Nuclear Blast. Juste avant la pause publicitaire, on a eu Where Churches Once Burned. C'était précédé de They Came to Die. Et en ouverture de bloc et ouverture de cet album aussi, A New Day Will Rise, qui est selon moi, à mon goût, à moi, c'est la meilleure pièce. Et si je trouve que justement cette, c'est peut-être particulièrement dans cette pièce qu'on retrouve une dose d'originalité qui est non négligeable dans le death metal. J'ai bien aimé. Vous avez vu, c'est un album qui n'est pas hyper agressif en tant que tel, mais dans le genre, ça rappelle peut-être un petit peu les premiers albums, à certains moments donnés, si on veut, de Morbid Angel. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je lui ai donné une cote quand même assez intéressante, qui est de 8 sur 10. Côté musique, encore... Ben, la semaine prochaine, je vous propose présentation du nouvel album de Six Feet Under qui s'intitule Crypt of the Devil, qui paraissait aujourd'hui même, et une autre formation américaine qui s'appelle Dysentery, qui donne dans un brutal death metal. Bon, dans un premier temps, ce que je dois vous dire, c'est que oui, je vais vous les présenter, mais en ce qui concerne Dysentery, moi, j'ai pas vraiment aimé. Il est sous la bannière du brutal death metal, mais à quelque part, je trouve qu'il rejoint beaucoup plus le grind, qui est un style que je ne méprise pas, mais qui est un style qui me plaît beaucoup moins qu'avant. C'est le vocal est assez ordinaire dans ce dans la bande des Dysentery, mais bon, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Et en ce qui concerne Six Feet Under, ben vous comprendrez que j'aurai pas eu grand temps pour l'écouter là, entre le fait qu'il soit sorti aujourd'hui et que je doive le commenter minimalement quelques lignes aujourd'hui. Cet album Crypt of the Devil, c'est le 14e album studio de Six Feet Under. Bon, on s'entend que Six Feet Under maintenant c'est à peu près juste Chris Barnes là, parce que ça change tellement d'une fois à l'autre qu'il y a plus. En fait, je crois qu'ils sont peut-être encore deux. Le bassiste est peut-être là depuis une dizaine d'années, mais bon, le reste ça vire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le bassiste, non. Le batteur, je crois. Après ma barre, ce que j'ai pu écouter, je peux vous dire d'emblée que ça n'égale certainement pas Unborn et Undead. Mais ça, je vous en parlerai plus la semaine prochaine lorsque j'aurai le loisir d'en faire de plus ample et, je dirais, précise écoute. Nous allons continuer musicalement, cette fois-ci, en demeurant dans la mouvance de death metal, comme on le fait jamais d'ailleurs. C'est pour faire différent que je fais ça. On va y aller avec un bloc qui va être constitué des formations Bloodbath et On 8D Side. Un album auquel je ne me rappelle même pas de m'être attaqué dans les 5 ou 6 dernières années facilement. Mais on va débuter avec la dernière parution 2014 de la formation Cannabis Corpse. Cannabis Corpse qui, comme vous le savez, est une formation qui ne se prend pas nécessairement au sérieux, qui fait des espèces de, comment je pourrais dire, de... Je dirais pas de parodie, mais de pastiche peut-être de certains... côté Cannibal Corpse, voilà. Je pense que c'est évident. On va écouter la pièce de THC, Crystal Mountain, Cannabis Corpse, go! Graduated. Most of the rules can rip. And I nearby, I see. Saint-Laurent. 89.1. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Du 3 mars au 3 juillet 2015, participez au concours de photos « Vue d'en haut ». Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez une scène en milieu aquatique illustrant la faune, la flore, une activité humaine, la rivière Saint-Maurice, le parc national de la Mauricie ou la saison hivernale. Soumettez vos 3 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des chèques cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Parc Canada, Info Nature Mauricie, le parc de l'île Melville, la CEPAC, Domaine Le Montagnard et le Rond-Coin. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Vous vous intéressez à la vie étudiante? Vous avez à cœur d'informer la population universitaire trifluvienne? Le journal indépendant des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Zone Campus, est présentement à la recherche d'étudiants curieux, motivés et rigoureux, désirant faire partie de l'équipe. Le groupe des médias étudiants souhaite recevoir des candidatures pour le poste de rédacteur-rédactrice en chef, ainsi que pour les différents postes de journaliste et de chroniqueur dans les sections Actualité, Arts et spectacles et Sport. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation à dgcfou@commercialuqtr.ca. Les postulants ont jusqu'au vendredi 24 avril 2015 pour acheminer leur candidature. Joignez l'équipe du Zone Campus. 89 ans. Vous êtes à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. Avant la pause publicitaire, on a une pièce de Bloodbath, Year of the Cadaver Race. Ça, c'est tiré de Nightmares Made Flesh. C'était le deuxième album de Bloodbath paru en 2004 sur Century Media. Et à l'époque, c'était Peter Tägren qui était le chanteur principal, bien sûr, qu'on connaît pour Hypocrisy et Pain, entre autres. Nous avions Hion auparavant et Bow Your Head, c'est tiré de leur premier album Bleeding the Falls, paru en 2005 sur Unique Leader. L'excellente pièce de Hate, Leviathan, tirée de Crusade Zero, c'est leur dernière parution en 2015 sur Napalm Records. Decide, une pièce qui porte le nom de Pentecostal. Pièce surprenante de la part de Decide, puisque la deuxième, en fait, je dirais le deuxième tiers de la pièce se consacre à une pause beaucoup plus classique. C'était le dernier album aussi sur lequel intervenaient les frères Brian et Eric Hoffman. Et nous avons ouvert avec Cannabis Corpse, la pièce, non pas de THC Crystal Mountain, mais Consider Dank. C'est tiré de From Wisdom to Bait, qui est le quatrième album de cette formation, paru en 2014 sur Season of Mist. En fait, je dirais dans le dernier décan de 2014, si je ne m'abuse. Côté cinéma, écoutez, vous savez que maintenant, il est en salle, les Avengers... Le deuxième, je suis très curieux de voir de quoi il a l'air. J'ai entendu certaines, je dirais, chroniques ou voire critiques qui sont assez partagées, mais dans les faits, plusieurs critiques de cinéma ne sont pas de grands fans de films de super-héros, ce qui n'est peut-être pas nécessairement très, disons, impartial. Voilà. Donc, c'est à vous de vous en faire votre propre idée, comme je le ferai moi aussi. Des trucs que j'ai vus depuis le mardi dernier, principalement le week-end dernier, je parle d'un film, c'est un trailer aventure-action, c'est un mélange de ces trois styles-là, qui est un film de Kevin MacDonald, qui met en vedette l'excellent Jude Law. Il s'agit de Black Sea. Black Sea raconte l'histoire de Jude Law, effectivement, qui est un capitaine de sous-marin qui travaille pour une compagnie navale et elle décide de supprimer plusieurs postes, dont le sien. Et ils rencontrent des amis qui eux aussi ont perdu leur travail, et ainsi de suite. Ils sont dans un pub. Et l'un d'eux lance par comme ça, on devrait. Il y aurait peut-être moyen de pouvoir se mettre un peu à l'abri des besoins. Raconte une histoire qu'à l'époque de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler aurait fait une espèce de pacte d'entente avec Joseph Staline de ne pas l'attaquer, de ne pas attaquer l'URSS, parce que l'URSS avait vraiment la pétoche du Troisième Reich à cette époque-là. Et en fait, pour se montrer redevable envers l'URSS de l'époque, puis c'est, semble-t-il, possiblement un fait, Adolf Hitler aurait demandé un prêt en or à l'URSS, en lingots d'or, qui se traduirait par plusieurs millions de dollars. Et ce fameux convoi de lingots d'or était transporté par sous-marin allemand. Et le sous-marin allemand a coulé. Donc, c'est la chasse au trésor pour retrouver ces fameux lingots d'or. Et il s'associe avec, en fait, des marins qui sont eux aussi possiblement croches. En fait, il y a même une bande de trois Russes qui sont vraiment détestables. Et c'est tout. Ils doivent acheter un sous-marin. Ils sont sponsorisés par quelqu'un qui est très, très riche et qui lui rachète un sous-marin, mais vraiment une épave flottante. Et c'est tout l'aventure qu'ils ont de devoir aller trouver, premièrement, l'emplacement où c'est dans la mer Noire, bien sûr, le titre est en Black Sea, de trouver l'emplacement où le sous-marin est écoulé, de pouvoir l'atteindre, de pouvoir rentrer à l'intérieur, de pouvoir recharger ses lingots, parce qu'on sait que l'or a beaucoup de poids, et aussi faire avec les problèmes mécaniques qu'ils ont, qui dégénère assez, je dirais, violemment par moment, et la mésentente, pour ne pas dire une guerre froide entre les marins eux-mêmes. Donc, c'est un très bon film. Je vous le dis, Jude Law, ce n'est pas un acteur qui, en fait, depuis un certain nombre d'années, ne prend pas n'importe quoi. C'est pas un film à très grande production, mais c'est un excellent film. Jude Law est vraiment très, très bon. Black Sea, je lui donne un 8,5 sur 10. Autre chose, bien, j'ai terminé la première saison, en fait, espérons qu'il y en aura une deuxième, de Better Call Saul, qui met en vedette Bob Odenkirk, qui était une des, je dirais, des figures importantes de Breaking Bad, qui était l'avocat véreux. Eh bien, c'est lui, six ans avant sa rencontre avec Walter White de Breaking Bad. C'est vraiment très bon. C'est vraiment excellent. C'est 10 épisodes, c'est vraiment... C'est une série qui est vraiment excellente. Si vous avez aimé Breaking Bad, c'est certain que vous allez aimer Better Call Saul. Je lui accorde un 9 sur 10. C'est une production AMC Channel. Autre truc aussi, ben j'ai commencé, mais en fait, je n'ai pas beaucoup de choses d'écouter encore sur la première saison de Marvel Daredevil, qui est une série de Netflix. Je n'ai que, en fait, à peine 2 épisodes d'écouter, mais je dois dire que ça semble être assez prometteur. Donc, je vous en parlerai probablement plus la semaine prochaine, parce qu'il y a de fortes chances que je sois assez avancé dans la première saison. Autre chose, un film que j'ai écouté qui porte le nom de Pyramid, qui est un film de Gregory Levasseur, mais que je ne connais pas. Gregory Levasseur, j'ai aucune idée qui il est, qui met en vedette Ashley Henshaw et Dennis O'Hare. C'est un film d'horreur, bien entendu. C'est un film qui tourne autour d'archéologues qui découvrent une pyramide à trois façades, à trois côtés, si vous préférez seulement, contrairement à plusieurs qui en ont quatre, qui était enfouie dans le désert depuis des temps immémoriaux. Et on découvre la pointe de cette pyramide et l'équipe d'archéologues qui, malgré le fait que le site doit être fermé par les autorités, décide de pénétrer à l'intérieur. Et ils se ramassent dans une sépulture, effectivement, mais plutôt un piège c'est un piège à mort, si on veut, le but est ultimement d'attraper des gens et de les empêcher de ressortir et qu'ils meurent à l'intérieur. Mais chose intéressante, j'ai trouvé, c'est pas un film parfait, là, loin de là, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que on amène le personnage, en fait, le dieu Anubis, comme étant le gardien de cette pyramide. Et Anubis, selon la mythologie grecque, je raconte égyptienne, ancienne, eh bien, c'est lui qui pèse les âmes lors du trépas des hommes. Donc, il pèse le cœur sur une balance, à savoir s'ils sont justes et s'ils peuvent aller vers l'au-delà. Et évidemment, ça tourne autour de ça. Il y a une part d'originalité, je dois dire, dans la pyramide. Par moments, c'est un petit peu long, c'est un petit peu redondant, mais malgré tout, je dois dire que c'était correct. C'était divertissant. Je n'ai pas une cote extraordinaire, un 6,5 sur 10, parce que je suis pas certain d'avoir le goût de le revoir, du moins pas présentement, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est assez bien fait aussi. C'est assez, je dirais, violent par moment, mais ça tombe pas nécessairement dans le gore. Donc, c'est un film qui est correct. Le film cette semaine que je vous propose de découvrir ou de revoir est un film de science-fiction et d'aventure qui est tout à fait délectable, qui est de 2005, qui met en vedette encore une fois Jude Law et Gwyneth Paltrow. Et en rôle de soutien, si on veut, d'une certaine façon, Angelina Jolie, c'est Captain Sky and the World of Tomorrow. C'est un film qui est très kitsch, entre guillemets, parce que on refait le cinéma de science-fiction des années 40 et 50 de façon très naïve, de façon très, tentant de le faire spectaculaire pour l'époque. C'est un film actuel, là, on parle d'un film qui a quand même 10 ans, mais tout de même, là, on c'est pas un film des années 40, là, pas du tout. Et c'est vraiment... c'est un film qu'on pourrait dire dont il s'agit un comic book porté à l'écran, la manière des Flash Gordon et ainsi de suite. C'est très bon, c'est très très bon, c'est très bien fait. Si vous êtes amateur de science-fiction comme je le suis, puis vous vous intéressez un peu à ce qui s'est fait aussi il y a un certain nombre de décennies, ben vous allez pleinement vous y retrouver. C'est vraiment un bon film, Captain Sky and the World of Tomorrow, avec des robots géants, des méchants qui étaient inspirés, bien entendu, par l'avènement de l'oppresseur, qui était, encore une fois ici, je dois nommer Hitler, ainsi de suite. Bon, bref, c'était des stéréotypes, si on veut, qu'on appliquait par les craintes réelles de la population à l'époque américaine, principalement. C'est vraiment bien fait. C'est très bien joué. Ils sont très crédibles dans leur rôle des années 40 et 50. Paltrow et Jude Law. Donc, c'est un film que je recommande. Je lui donne un 8 sur 10. C'est un film que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps et je l'ai trouvé tout aussi bon que les 4 ou 5 premières fois que je l'ai vu. Donc, c'est à voir. La semaine prochaine, à Réanimation, je vous proposerai, comme je l'ai dit, deux albums qui sont soit respectivement la dernière parution en date d'aujourd'hui, Six Feet Under, formation qui donne dans un groove death metal, formation américaine, et l'album Crypt of the Devil, ainsi que petit survol, survol assez rapide même, d'une formation qui porte le nom de Dysentery, et l'album From Past Suffering. Je vais vous dire exactement quel est le titre parce qu'il est un petit peu plus long, je crois. From Past Suffering Comes a New Flesh, une formation qui vient des États-Unis dans un brittle death metal. C'est très moyen, selon moi, mais bon. Je vais vous en laisser vous en faire votre propre opinion. Cette semaine, à Rock Classic, en compagnie de mon bon ami Rockmaster Alain Lefebvre, nous vous présenterons un spécial 1985. Donc, l'édition de Rock Classic est, je dirais, à 85-90% consacrée au spécial 1985, parce que, bien sûr, il y aura les aspects album classique, les groupes obscurs, et ça passe ou ça casse, et plus un paquet de niaiseries qu'on dit souvent, avec nos bons collaborateurs qui sont respectivement... je vous le dis pas, écoutez-la, si vous écoutez l'émission si vous connaissez nos collaborateurs. Donc, de 11h à 17h, classique cette semaine, spéciale 1985, dans 23 minutes, restez à l'écoute de C'est fou, parce que c'est Matière Noire avec mon ami Alex, puis peut-être avec d'autres, qui sait. Nous allons poursuivre musicalement avec la deuxième présentation de la soirée. Il s'agit d'une formation polonaise. Je l'ai déjà dit, la Pologne est un bassin assez fort au niveau du métal, principalement de ce qui est le death et le black and death metal. Donc, Infernal War, c'est une formation qui existe depuis 97, qui marchait initialement très peu de temps avant sous le nom de Infernal SS. Je crois qu'ils ont changé de nom pour des raisons évidentes. Ils sont qualifiés, catégorisés dans le créneau typiquement black metal, mais je suis à peu près certain à 127% que c'est du black and death metal. Donc, il s'agit ici de leur troisième album qui est paru le 17 avril dernier. Et je vous le disais qu'il y avait deux émissions que je voulais le faire, mais bon, c'est vaut mieux tard que jamais, semble-t-il. C'est paru sous étiquette Agonia Records. Je vous propose deux pièces qui sont respectivement Militant Hate Church et Into That Soil. Infernal War. Go. Beyond the kingdom of ignorance, what dread, no blood in your Infernal War, deux pièces tirées de Axiom, qui est paru le 17 avril dernier sous étiquette Agonia Records. On vient d'entendre Into Dead Soil. Et première pièce de ce petit bloc, Militant Hate Church. C'est pas mal bien, je dois dire. Ça s'écoute bien dans le genre. Comme je le disais, je suis loin de dire que c'est du black metal en tant que tel. Il y a une très grosse portion de death metal à travers ça. Formation polonaise, j'ai accordé un 8 sur 10, quand même une note fort appréciable pour cette formation. Infernal War, j'ai bien aimé l'album. Présentation graphique fort correcte aussi. La production, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une bonne production. Et je pense que cette formation devrait pouvoir avoir tous les coups mérités, c'est-à-dire que procurez-vous ces albums, ils sont très bons. Côté spectacle, BC High, Brave Concert International, prépare, probablement qu'ils les préparent aussi, mais ils vont les proposer surtout. le jeudi 14 mai, au Théâtre Corona, c'est le Conquerors of the World version 2015 qui met en vedette Septic Flesh, Moonspell et Death Stars. C'est à 20h, il en coûtera 21,74 et 26,9 plus taxes pour y assister. Disponible à la billetterie du Théâtre Corona. Le mercredi 20 mai, donc 6 jours plus tard, si vous savez bien compter, au Foufounes Électriques, BCI propose Anal Natrak, Incit et Bukaki. Incit ou Incit, je ne sais pas. Bref, Incit. Ou Incit, tout court. Et Bukaki, comme je l'ai dit. Donc, c'est à 20h aux Foufounes Électriques, au coût de 18$ et 22$ taxes incluses. Le Metal Orleans Tour 2015 proposera au Théâtre Corona Dayside, Hentoub Eddy. Bon, Hentoub Eddy, c'est vraiment leur premier passage ici au Québec, puisque, en fait, ce n'est pas Hentoub au complet. Donc, Hentoub Eddy, Hate Eternal, Black Crown Initiate, Lorna Shore et Svart Crown. Bref, des choses intéressantes là-dessus. Mardi le 26 mai à 19h au Théâtre Corona, au coût de 32 et 37$ taxes incluses. Disponible à la billetterie du Théâtre Corona. Sepultura, Destruction, Arsis, The Last 10 Seconds of Life et Starkill seront le 29 mai, un vendredi, à 19h au Club Soda, au coût de 30 et 43, 34 et 78, plus taxes. La billetterie du Club Soda et finalement Aborted, Fit for an Autopsy, Archpire et Dark Sermon seront le vendredi 5 juin 18h au Foufounes Électriques au coût de 18$ et 22$ taxes incluses. Voilà, je vous incite à demeurer sur les ondes de C'est Fou puisque dans moins de 11 minutes vous retrouvez Alex et Matière Noire, peut-être en compagnie de co-animateurs, on ne sait jamais d'une semaine à l'autre. C'est à voir, moi je vais vous laisser avec une dernière pièce. Mais avant, je vous rappelle que soyez mardi prochain de 19h sur les ondes de C'est Fou parce que c'est l'avant-dernière émission de réanimation. Pas à jamais, mais l'avant-dernière pour une période d'au moins 3 mois. Donc vous allez peut-être vous ennuyer, donc ne manquez pas les deux dernières et soyez avec nous, le Rockmaster et moi, ce vendredi dès 11h. Saison de C'est Fou, bien sûr, pour rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock. Je vous laisse avec une dernière pièce d'une formation de death metal pour faire différent ce soir. Une formation qui vient des États-Unis, de la Pennsylvanie. Formation qui existe depuis 1989, qui s'appelle Incantation. Et je vous laisse avec une pièce de leur dernier album, The Joseph Elysium. Et je vous laisse avec la pièce From a Glacier Womb. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas une chose très importante. Allez tous vous faire foutre! Go!